Vous écoutez La Courte Échelle. Destination Québec. La Courte Échelle Destination Québec, c'est parti. Nous allons passer une heure en compagnie des artistes québécois. Il y en aura pour tous les goûts, comme chaque semaine dans La Courte Échelle, et dans tous les styles également. Et l'émission du jour va commencer avec Folklofolie. Folklofolie, c'est Marie-Claude Gagnon et André Varin avec le bal à Cajun. Dansez coller, Colinda, allons danser, Colinda, pendant que ta mère est pas là. C'est pas tout le monde qui connaît danser les danses du vieux temps. Allons danser, Colinda, pour faire pencher les vieilles femmes. Colinda était la plus belle du village. Et tous ceux qui, en la voyant, la trouvaient si belle. Sa maman qui la chaperonne du matin jusqu'au soir. Mais aussitôt qu'elle tourne la tête, on entend son ami dire: allons danser, Colinda, danser, coller, Colinda. Allons danser, Colinda, pendant que ta mère est pas là. C'est pas tout le monde qui connaît danser les danses du vieux temps. Allons danser, Colinda, pour faire fâcher les vieilles femmes. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is cold there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. Mountain mama, take me home, country roads. Sud de la Louisiane et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Et quand ils font de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot, et qui rêvait de l'Amérique qu'avait rêvé le grand-papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur le violon. Ils sont américains, elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. That's the place they find romance, where they do the Cajun dance. Steal a kiss with every chance, show their love with every glance. Diggy diggy da, diggy diggy do, family love and the fado do. The park was cold and the coffee show. Restons dans la même dynamique avec Alain François qui met le cap à l'ouest, un vrai retour aux sources, plus posé, avec des sonorités plus acoustiques, plus de banjo, plus de pedal steel, résolument country, sans oublier des saveurs cajun. Voici Alain François avec le petit sac que t'attaches à la taille. Ton sac que t'attaches à ta taille. reconnaître, Jean-Jean. Dans ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille. Tout le monde! Ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille. Ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille, ton petit sac que t'attaches à ta taille. Tout le monde! Après quelques années à tourner au Québec et ailleurs comme musicien pour divers artistes, Ben Clavo fait paraître son premier album autoproduit en 2017 où il signe un texte et musique dans un style country garage en français. S'en suit une tournée de spectacles au Québec ainsi que la préparation d'un deuxième album dont la sortie est prévue pour l'hiver 2022. Le voici Ben Clavo avec Y est temps que je m'en aille. Je m'en aille avant le scandale, avant que l'histoire finisse mal, avant que le gros chien sale perde les pédales. J'ai rien fait de pis m'encore, comme si j'étais trop dans le décor. Pourquoi faire ça dégénère soir après soir? Il est temps, je m'en aille avant le scandale, avant que l'histoire finisse mal, avant que la grosse Chantal me fasse du mal. Pourquoi faire qu'il n'y a plus de limite quand tombe la nuit? J'ai plus de manière quand je bois de la bière, plus de remords quand je bois du fort, plus de souvenirs entre les oreilles au petit matin quand je me réveille. Tu mets l'or, ah ouais, dehors, puis on se reverra plus tard. À la prochaine. Originaire de Newport, il habite maintenant Passepébiac. Je veux parler de Yann Lévesque. Il habite dans la belle région de la Gaspésie. C'est d'ailleurs là-bas qu'il enregistre avec son complice guitariste réalisateur Dominique Potvin ses chansons, dont par exemple celle que l'on va écouter, Le bout du monde. Sans réfléchir, j'irai te chercher où tu veux. Pour partir sur la route, tous les deux sur la 132. Emmène-moi où tu t'en vas. Ferme les yeux et reste là. Le bout du monde est loin là-bas. Emmène-moi où tu t'en vas. Ma jolie, tu es toujours aussi belle, tu ensoleilles mes jours de pluie. Tu as trouvé la faille pour arriver jusqu'à mon cœur. Le temps s'est arrêté, et plus jamais je n'ai eu peur. Emmène-moi où tu t'en vas. Ferme les yeux et reste là. We'll be right back. Gaspésie, toujours avec Alex et Caro. Ils sont tous deux natifs de Bonaventure, dans la baie des Chaleurs. Ils sont tous deux auteurs, compositeurs et interprètes. Allez, voici avec Où nous mènera le vent. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! La petite fille de son père, c'est Véronique Gravel. Je me souviens d'une petite fille qui rêvait de chanter un jour avec sa famille. Au Grand Ole Opry, faire comme toi à la radio ou à l'hôtel mon repos. Et j'étais fière de suivre les traces d'un homme aussi tenace. Et sans savoir, tu me légas la passion du country. Je marche derrière tes pas, je sais que tu le vois, mais j'espère. La petite fille fois ce n'est pas pareil. Partie de moins doute. Je serai à ta hauteur. Je dois continuer. Je m'ennuie de ton côté moqueur. Le samedi à mes côtés. Sans savoir, tu me légales la passion du country. Je marche derrière tes pas. Je sais que tu le vois. Mais j'espère au plus profond de moi que tu seras toujours fier. Car je resterai. Dans un film, c'est un duo composé par Isabelle Blé et Pierre-Luc Briand qui revisitait les classiques de la chanson francophone des années 60, 70, 80 et 90 qui les ont marqués. Les voici avec La Grippe. La grippe vous va très bien. Me dit mon amant ce soir. Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. La grippe va très bien. Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu. Quand vous souffrez, mon ami, m'a répondu mon amant. Ressembler à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami, j'ai un peu peur des jeudis, que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi, que la fièvre. Elle vous vend comme un gars. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme. Elle vous vend comme un gant, gant, gant, gant, gant, gant. Ah vraiment, je suis trop maigre. Je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Et je dis, ah, vraiment, je suis trop maigre. Mais ces os vous vont très bien. L'auteur, compositeur et interprète Daniel Girard fait paraître Le Gars de la Chine, un single double face de style pop. La mer troublante, la mort vous ira très bien. L'histoire vécue d'un gars de la Chine qui avait rencontré la fille la plus fée. Dès qu'il s'est mis à lui parler, ses yeux se sont mouillés et son cœur battait comme une machine. Y avait rien pour l'empêcher d'être heureux, ce gars-là. Y avait rien de plus beau que de le regarder sortir avec une fille, l'étreindre, l'embrasser, de les voir tous les deux s'en aller dans la vie pour être heureux. Cha-la-la-la-la-la-la, ils sont deux. Cha-la-la-la-la-la-la, les amoureux. Cha-la-la-la-la-la, ils sont heureux. Cha-la-la-la-la-la-la, les amoureux. Ils parlaient de se séparer, ils n'étaient pas sûrs de s'aimer. Car parfois les fleurs ont beaucoup d'épées. Si bien qu'un jour, un beau matin, ils sont partis vers leur destin. Souvent dans la vie, faut courber les chaînes. Cha-la-la-la-la-la-la, ils sont deux. Cha-la-la-la-la-la-la, les amoureux. Cha-la-la-la-la-la-la, ils sont heureux. Cha-la-la-la-la-la-la, les amoureux. Si vous voulez savoir la fin de l'histoire du code lâché, c'est dans le malheur que tout se termine. Leurs parents n'étaient pas d'accord et un jour ils ont pris leur part, se sont retrouvés dans le canal lâché. Y avait rien pour l'empêcher d'être heureux, ce gars-là. Y avait rien de plus bon que de le regarder sortir avec une fille, l'étreindre, l'embrasser, de les voir tous les deux s'en aller dans la vie pour être heureux. Cha-la-la-la-la-la-la, ils étaient deux. Cha-la-la-la-la-la-la, deux amoureux. Cha-la-la-la-la-la-la, ils semblaient heureux. Cha-la-la-la-la-la-la, deux amoureux. Le style va être différent avec Dominique Hudson et Ola. C'est une pièce qui nous entraîne et nous soulève. La liberté ensoleillée de son interprète s'entend autant que sa joie de vivre et son positivisme intarissable. À tes yeux impossibles à oublier, yeah, yeah, yeah. J'ai vu ma vie se dessiner. Et quand je commençais à manquer d'air, au moment où j'allais te supplier, yeah, yeah, yeah. Alors mon cœur s'est arrêté. Bien avant le premier des quais, oh là. Marquise Desmarais est une artiste à l'esprit créatif et bouillonnant. Elle immortalise ses idées en chansons. La voici avec Amour tendre. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Quand tu me disais oui, une chanson qui célèbre autant l'amour que l'amitié, signée Tommy Paré. Je t'ai tourné autour, je t'ai couvert d'amour. Le temps suspendu, j'ai chassé les vautours. Ceux de nuit et de jour. On s'est reconnu, la magie des débuts, les projets les plus fous, le temps suspendu, l'amour fou tous les jours, crier à rendre sourd, puis on s'est perdu. Quand tu me disais oui, le ciel était bleu, tout allait mieux. Quand tu me disais oui, de beau et simple amoureux, on ne pouvait rien. Quand tu me disais oui, quand tu me disais oui, quand tu me disais oui. T'as pris un autre détour, et puis un de ces jours, Tu es disparu, mon souffle devenu court. Je t'ai cherché nuit et jour. Je me suis rendu et je t'ai enfin revu avec un amoureux fou. Le temps était venu comme un conte à rebours de se dire bonjour. Et à un de ces jours, quand tu me disais oui, le ciel était bleu, tout allait mieux. Quand tu me disais oui, de beau et simple amoureux, on ne pouvait rêver mieux. Quand tu me disais oui, quand tu me disais oui, quand tu me disais oui. Le temps est un ennemi en l'espace d'une nuit. On ne se reconnaît plus, la passion perdue. Quand tu me disais oui, le ciel était bleu, tout allait mieux. Quand tu me disais oui, de beau et simple amoureux, on ne pouvait rêver mieux. Quand tu me disais oui, quand tu me disais. Émile Bilodeau, le jeune homme de Longueuil, nous propose d'écouter Échec et Mat. Que j'aurais fait cavalier seul, j'avais de la gueule, ah ouais. Avec mon cheval, je n'ai pas fait de mal. J'ai sauté par-dessus les pions qui ont marché sur tous les ponts. Un petit pas à la fois, ils m'ont dit dans les bois. Une fois arrivé à la côte, on va se changer en quelqu'un d'autre. Mais pour vous rendre de l'autre bord, ça va prendre bien des efforts. Oh, ça m'épate, moi la guerre, faut se battre avec nos frères. Des fous, y'en a beaucoup. Des fous, y'en a partout. Eux, ils font du mal, les deux en diagonale. C'est dans l'angle mort qu'ils étranglent et puis qu'ils tordent le cou. Des fous, y'en a partout. Oh, ça m'épate, moi la guerre. Faut se battre avec nos frères. Je sais pas à quoi ça sert. Échecs. Yeah. L'autre fois, j'ai vu le roi rocker avec sa tour, faire du rock comme il se doit pour une tournée de quelques jours. Mais la reine s'ennuyait et quelques semaines après, voulut se rendre car elle s'en fout de se faire prendre par le fou. Mais on l'a jamais revu. Tout le monde la savait disparue. Oh, ça m'épate, moi la guerre. Une fois sa reine partie, le roi pensait que sa game était finie. Mais voilà qu'un pion arrive à destination et en pleine transformation. La reine revient au rebond. Et plus jamais sur la map on a entendu Échec et Mat. Le premier album de Fleur sort ces jours-ci. Elle nous interprète Rien de plus fort. Il y a le regard qui te frappe. Il s'efface, il te laisse dans le noir. Il y a tous ces mots qui s'invitent, qui se gravent et font rage dans ta tête. Même quand ils se taisent, ils prennent écho. Alors tiroir qui se vide et qui se scelle au fond de ta mémoire pour qu'avec le temps tu pardonnes et te libères du noir. Nathalie Martel, chanteuse depuis qu'elle est toute petite, la musique a toujours été présente dans sa famille. La voici avec « Toujours rester debout ». Où c'est le calme dans ma tête. J'en ai vécu des peines et j'en vivrai encore. Ça me coule dans les veines, ça fait mal de tout mon corps. J'ai toujours resté debout, même si parfois j'en voyais plus le bout. J'ai toujours resté debout, même si parfois j'étais calée jusqu'au cou. J'ai pas rien gagné d'envie, ce que j'ai je l'ai appris. J'ai le cœur prêt à déborder et plein d'amour à donner. Sandra Lecouteur est une globe-trotteuse. Elle a été invitée à chanter au Vietnam. Elle a fait plus de 10 tournées en France et en Amérique du Sud, ainsi que dans différentes provinces canadiennes. La voici avec « Au bout de mes silences ». De mes silences. d'étoiles sur la baie. Allume les voiles dévoilées. Un clair obscur, reflet d'une peinture, de mesure en de mesure. Oh, j'attends sur le quai que reviennent mes jours d'été. J'attends sur le quai que le vent vienne me bercer. Prends-moi dans tes bras, prends-moi, emporte-moi au bout de mes silences. C'est à toi que je pense, au bout de mes silences, je retourne à l'enfance. Dans tes bras, ton cœur qui bat me donne la cadence. Et je danse, je chante. Prends-moi dans tes bras, prends-moi, emporte-moi au bout de mes silences. Emporte-moi. Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Je t'aime par cœur, c'est interprété par Jack Lavoie, qui est originaire du Québec. Il provient d'une famille active et créative, à la fois biculturelle et bilingue. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je compte plus les années, nos secrets. Tu es comme une partie de moi. Tu es comme la force dans mes bras. Oh, dans mes bras. Oh, oh, oh. Tu es mort. T'es le cœur. T'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur. Je t'aime par cœur. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Depuis le temps qu'on se connaît, t'es mon présent, mon imparfait. Tu es comme la folie dans mes joies. Tu es comme la trace de mes pas, de mes pas. Oh, oh, oh. Tu es mon trip de cœur, t'es mon âme sœur. Je t'aime par cœur, je t'aime. Tu es mon trip de cœur, t'es mon âme sœur. Je t'aime par. Je t'aime par cœur. Ça fait longtemps que tu me plais. Malgré les vents, malgré nos plaies. Tu es comme la paix.

T'es plus là quand j'y pense, mais ça me rappelle. C'était un bon gars. Te souviens-tu de ma première blonde que j'ai embrassée? C'était un soir d'été chez vous. Ton père m'avait pogné. C'était Patrick McSween avec Les Grands Hommes. Rook a passé son enfance au Sénégal, il est originaire de la France. Il a passé son temps entre la Belgique et la Suisse aux côtés de Sound System. Une fois installé au Québec, qui est devenu son pays d'adoption, il a évidemment continué la musique et il nous propose À l'air libre. Reste un peu de soleil dans ma maison. Viens, on va prendre le temps de se parler. Allez, c'est tout pour aujourd'hui pour cette Destination Québec. J'espère que quel que soit votre style de prédilection, vous y avez trouvé votre compte. On se retrouve très bientôt et soyez heureux. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.